Tarde. Costilla, esternón. La variación de la distancia, ¿habéis visto? Palpatoire sur le tronc, et là en intégrant davantage le côté costal. Ahora vamos a seguir a este nivel de palpación. adaptación en el tronco, y lo que vamos a incluir es el aspecto costal. Pero il a côté est important parce que en fait, comme vous voyez sur cette vue, c'est le support du nerf et c'est le support de l'artère. La costilla es importante porque, como podéis ver en esta diapositiva, la costilla es el soporte de la arteria y del vaso sanguíneo, de la arteria y del nervio. Y donc vous voyez qu'il va y avoir des filets émergents. Veis que hay filetes emergentes. Posteriores. Posterolaterales. Laterales. Et antérieurs. Et donc ce qu'on a vu, parce qu'on vous a décrit précédemment, c'est que quand vous allez trouver deux étages vertébraux perturbés, lo que hemos dicho antes, si encontráis que hay dos etapas o dos, que no sé cómo poner el nombre de eso, dos secciones vertebrales disfuncionales, Donc perturbé, pensez que ça peut être une côte quand c'est au niveau thoracique. Et esto tenéis que pensar que puede ser una costilla a nivel torácico. En dos vértebras. En dos puntos, sí, en dos vértebras. Torácicas. Torácicas. Cuando hay dos disfunciones juntas, en dos vértebras torácicas. Donc, si on regarde la structure au niveau du thorax, donc composé des vertèbres, composé des côtes et également composé du sternum. Si vemos la constitución a nivel del tórax compuesto de vértebras, costillas y esternón. Alors, on va reprendre un petit peu plus la cage thoracique. Vamos a coger un poquito la caja torácica. Alors, déjà on va faire un petit test auparavant. Primero haremos un pequeño test. Est-ce que vous pouvez me montrer avec vos doigts, comme ceci, la distance qu'il va y avoir entre la 12e côte et la crête iliaque? Mais le podéis mostrar con vuestros dedos la distancia que va a haber de la dernière côte? Oui, la dernière côte. Sí, de la última costilla a las crestas ilíacas. La 12e. Imaginez comme ça, quelle est la distance? Alors, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Muchas veces tenéis una visión demasiado optimista. Parce que en fait, l'espace entre la dernière côte et la crête iliaque, ça correspond à un espace intercostal. Porque normalmente el espacio que existe entre la última costilla y la cresta ilíaca es como comprende como una vértebra. Allez palper chez vous au niveau postérieur. Et vous allez vite tomber sur la dernière côte. Alors, pourquoi? Parce que l'aile iliaque s'est constituée de quoi? Pourquoi c'est ça? Parce que l'aile iliaque depuis est constituée. En fait, c'est des côtes. C'est un rassemblement de côtes, la crête iliaque, les crêtes iliaques. Ce sont costillas. L'aile iliaque, c'est un regroupement de côtes. Son costillas, c'est un regroupement de costillas. La crête iliaque. Le sacrum, c'est quoi? C'est un regroupement de vertèbres. Le sacro est un regroupement de vertèbres. Et qu'est-ce qu'il y a souvent latéralement aux vertèbres? Il y a des côtes. Et qu'est-ce qu'il y a normalement à l'intérieur de la vertèbre? Pues están las costillas. C'est une réorganisation des arcs branchiaux. C'est une réorganisation de los arcos branquiales. Abrir atrás para adelante. No, si on part du haut. Si partimos desde la parte alta. No, on va faire un exercice pour palper les côtes. Vamos a hacer un ejercicio para ir palpando todas las costillas. Donc, vous voyez que la première côte, on vient juste dans sa partie antéro-médiane, la palper sous la clavicule. La primera costilla veis que en su parte antero-medial lo vais a colocar por debajo de la clavícula. Donc, faites-le chez vous. Donc, vous êtes sur la partie interne de la mandibule, de la clavicule, et toc, vous tombez sur la côte. Estáis en la parte interna de la clavícula y plum, y caéis en la primera costilla. Donc, par la suite, vous allez avoir une succession de creux, de bosses. Y tenéis luego una sucesión de blando duro. Hein? Tandis que là, vous ne l'avez pas, puisqu'il n'y a pas, en fait, d'espace intercostal à ce moment-là. Alors, par contre, si vous voulez aller palper la première côte en arrière, y si queremos ir a tocar la primera costilla en la parte posterior, vous serez au-dessus de la clavicule. Estaremos por encima de la clavícula. Hein? Parce qu'elle va avoir une obliquité. Porque tiene una obliquidad. Okay. On va aller la chercher à l'arrière, vous allez tomber sur quelque chose qui est souvent un petit peu sensible. Y vais a caer, si vais atrás, en una zona que está un poquito sensible normalmente. Vous voyez que la côte va faire à peu près ça, un peu comme ça. La costilla hace más o menos eso. Dans cette position. Donc vous allez descendre sur vous. Hacerlo con vosotros. Voilà, je repère la première, je glisse vers le bas, petite dépression, et après, petite montagne. Hacerlo así, veréis que primero hay, bajáis a la primera costilla, luego hay una pequeña depresión y luego una pequeña montaña. Bien, descendez rapidement déjà pour essayer de bien identifier les os chez vous. Intentar identificar bien los huesos. Donc, pour vous les mettre petit à petit dans les mains. Para que poco a poco los vayáis metiendo en la mano. Descendez. Et après, on reprendra ça en pratique sur des patients. Y luego lo vamos a hacer en la práctica sobre los pacientes. Alors, devant, ce qui nous intéresse également, le sternum avec son manubrium. Delante, lo que nos interesa es el sternum con su manubrium. Le corps du sternum. El cuerpo del sternum. Et la dernière partie qui s'appelle la xiphoïde. Y la última parte que se llama xiphoides. Alors, si on regarde l'organisation du côte. Si miramos la organización de las costillas. Donc, vous voyez la supérieure. Et puis petit à petit, on va avoir quelque chose qui est de plus en plus large. Et en même temps, alors qu'au départ, ça vient se boucler sur le sternum. Vous voyez que la dernière côte, elle est beaucoup plus petite et totalement postérieure. Y veremos que la última costilla es mucho más pequeña y posterior. Alors là, quand on voit son attache au niveau de la vertèbre, cuando vemos la unión a nivel de la vértebra, ben vous voyez qu'elle a deux zones de contact. Veréis que tiene dos puntos de contacto. Une zone de contact corporelle. Hay una zona de contacto con el cuerpo. Et une au niveau de la transverse. Y una zona de contacto a nivel de las transversas. Et puis vous voyez qu'elles ont quand même des caractères communs. Y ves que es un carácter común. C'est-à-dire qu'il y a une partie, là on pourrait dire dans le plan frontal. Hay una parte en el plano frontal. Et une partie dans le plan sagittal. Y una parte en el plano sagittal. Ce qui fait que ça fait une cassure. Esto es lo que hace una cassure. Une rupture, hein, qui fait que on va, là on est sur l'angle de côte. Aquí estamos en el ángulo de la costilla. Y eso es quelque chose qui va être assez facile à contacter. Y esta zona es una zona muy fácil de contactar. Puisque il y a un angle qui est brisé. Porque hay un ángulo que es abierto. Alors, un thorax moyen est beaucoup plus large que profond. Un thorax medio es mucho más ancho que largo que profundo. Et donc on peut dire que ça a une espèce de forme de pyramide tronquée. Y podemos decir que es como una pirámide rota. Pour les côtes supérieures. Para las costillas superiores. Et une pyramide tronquée inversée pour les côtes inférieures. Y una pirámide rota invertida para las costillas inferiores. Donc, si on fait une coupe au niveau du thorax. Si hacemos una corte a nivel torácico. Donc là, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le cœur. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Está el corazón. Et puis sur les côtés, là, le cœur est protégé par les poumons. Y el corazón aquí está protegido por los pulmones. D'un point de vue antérieur, on va voir le sternum. Aquí tenemos el esternón. Et vous voyez latéralement, là, on va voir les côtes. Y aquí en la zona lateral podemos ver las costillas. Alors, donc au niveau du thorax, à nivel del thorax, vous voyez cette région qui va vous intéresser tout particulièrement. Es esta región que nos está interesando. Dans lequel va se loger le cœur. Donde va estar el corazón. Et à la partie postérieure. Y en la parte posterior. On va avoir les gros tuyaux qui vont passer, c'est-à-dire l'aorte et l'œsophage et la veine cave. Y detrás van a estar los grandes tubos que van a pasar, como la aorta y el esófago. Y on comprend bien que donc il y a une fonction de protection de la cage thoracique par rapport au cœur. Podemos entender que la caja torácica tiene una función protectora para el corazón. Alors, si on regarde la limite supérieure, si miramos el límite superior, on parle aussi de diaphragme supérieur. Podemos hablar del diafragma superior. Donc, qui est constitué par la première thoracique. Que está constituido por la primera torácica. La première côte. La primera costilla. Et le manubrium sternal. Y el manubrium sternal. Alors, quand on est dans la partie haute du sternum, cuando estamos en la parte alta del sternum, la partie haute du thorax, cuando estamos en la parte alta del thorax, donc on va voir là, ce que vous voyez, c'est le poumon. Lo que vemos aquí dentro es el pulmón. Et vous voyez que le dôme du poumon, donc la partie haute du poumon, y veis que el dôme del pulmón, la parte alta del pulmón, est suspendu par des ligaments qui vont s'insérer au niveau vertébral. Está suspendido mediante ligamentos a nivel vertebral. Et puis vous voyez qu'au niveau de la première côte, podéis ver a nivel de la primera costilla, on va avoir des nerfs qui vont passer juste au-dessus. Veis que pasa un nervio por esta zona. Donc ça peut être également des zones de compression. Esto es una zona al mismo tiempo de posibles compresiones. Avec notamment le ganglion stellaire. Sobre todo el ganglion estelar. Dont on parlera plus tard, qui peut entraîner pas mal de problèmes, jusqu'à des problèmes au niveau de l'œil. On le connaît dans la maladie de Claude Bernard en fait. El ganglion estelar puede crear problemas también a nivel del ojo, por ejemplo, lo que se llama el síndrome de Claude Bernard. C'est quoi ça? Alors, c'est des gens qui risquent d'avoir mal à la tête, qui vont avoir une dilatation de la pupille, une énophthalmie. Es gente que va a tener dolores de cabeza, una dilatación de la pupila y problemas de énophthalmie. Ça veut dire que c'est l'œil qui a tendance à rentrer un petit peu en arrière. Y énophthalmia, que es una tendencia al ojo que se vaya para atrás. Et je prends souvent un ptosis de la paupière. Y también normalmente una dosis de los párpados. La problemática souvent vient de là. Pero muchas veces este problema viene de esta zona. Là, vous voyez la racine de D1. Donc D1, ce matin, on a dit que la douleur, elle arrivait où? D1, ça arrive où? Au niveau du bras. Hemos dicho que D1, la raíz de D1, ¿dónde llega? On révise ce qu'on a vu ce matin. En arrière du coude, les deux sous le bras. Okay. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se plaint de douleur à cet endroit-là peut peut-être avoir une perturbation qui vient du poumon. Pourquoi pas? Entonces, alguien qui le duele en esa zona puede que ese dolor venga de la zona pulmonar. Pourquoi pas? Ce matin, donc, on a parlé du syndrome des scalènes. Hoy a la mañana hemos hablado del síndrome de los escalenos. Mais vous voyez également que donc, là, vous avez le scalène antérieur. Aquí podéis ver que tenemos el escaleno anterior. Le plexus brachial va passer juste en arrière. El plexo brachial pasa justo por detrás. Mais il passe également, vous voyez, il est posé également sur la première côte. Pero pasa y se pone también. Donc si la première côte elle est basculée en arrière, par exemple, si la première costilla bascula hacia atrás, por ejemplo, ça peut avoir une répercussion sur le plexus brachial. Esto puede tener una repercusión sobre el plexo brachial. Alors, d'évidence, la limite antérieure c'est le sternum, la limite postérieure c'est les thoraciques. Evidentemente, el límite anterior es el esternón y el límite posterior son los torácicos. Y el límite inferior es el diafragma. Y el límite inferior son, es el diafragma. Alors, une perturbación du diafragma. Una perturbación del diafragma peut entraîner des répercussions au niveau lombaire. Pourquoi? Parce que le diafragme, les piliers du diafragme s'insèrent au niveau des lombaires. Porque el diafragma se insiste a nivel lumbar y entonces un problema lumbar puede estar causado por el diafragma. Est-ce que vous savez sur quel lumbar se insère les piliers du diafragma? ¿Sabéis sobre qué lumbares se insertan en los pilares del diafragma? L1. L1, L3. L1, L3. Pourquoi pas? ¿Por qué no? Alors, déjà on ne peut pas répondre comme ça parce que ce n'est pas pareil à droite et à gauche. No podemos decirlo así porque no pasa esto de la misma forma a la derecha y a la izquierda. Mais l'idée est bonne. On le voit mal sur ce dessin. Aquí lo vemos mal en el diseño. Mais le pilier droit est plus large. El pilar derecho es más ancho. Et descend plus bas que le pilier gauche. Y baja más abajo que el pilar izquierdo. Donc en fait, L1, L2, L3, ou L1, L2, L3, L4 pour le pilier droit, et L1, L2, ou L1, L2, L3 pour le pilier gauche. Puede ser L1, L2, L3, L4 para el derecho, y L1, L2, L1, L2, L3 para el izquierdo. Si vous regardez donc, maintenant ça de l'intérieur, aquí esto si lo miramos desde la parte interior. Donc vous voyez le diaphragme. Vemos el diafragma. Et vous voyez que le diaphragme il va s'insérer sur les six dernières côtes. Y vemos que el diafragma se va a insertar en las seis últimas costillas. Et au niveau postérieur, vous voyez que à la partie postérieure du sternum, il y a également une musculature qui est donc sternocostale. Y vemos que en la parte interior del esternón hay una musculatura que es una musculatura esternocostal. Donc, on a regardé tout à l'heure le côté viscéral, si on regarde le côté costal, le côté parietal. Hemos mirado el aspecto visceral sin mirar el aspecto parietal. Et également la scapula, qu'on va voir. Y también la escápula que lo vemos. Alors, maintenant, il faut savoir qu'il y a 12 paires de côtes. Et entre guillemets, il y a ce qu'on appelle, il y a des vrais côtes, des fausses côtes et des côtes flottantes. Y entre comillas hay costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Alors, les sept vraies côtes, entre guillemets, c'est de la première côte à la septième. Las verdaderas costillas van de la primera a la séptima. Et puis après, on a des fausses côtes. Y luego tenemos las costillas falsas. Qui sont surtout unies par le cartilage sternocostal. Y luego tenemos las costillas que están unidas por el cartílago costal. Et puis on va voir les deux dernières paires, qui sont ce qu'on appelle les côtes flottantes. Y tenemos las dos últimas costillas, que son las costillas flotantes. Non, parce qu'elles ne sont pas attachées au niveau du cartilage, donc chondrosternal. Pourquoi? Pourquoi sont flottantes? Parce qu'elles ne sont pas unies au cartilage costo-external. Et puis des fois, il y a des côtes surnuméraires. Et à veces, il peut y avoir une costilla supernuméraire. Alors, ou au niveau lombaire, ou au niveau lombaire, voire au niveau cervical. Donc, on peut dire les côtes cervicales. Ou au niveau cervical. À veces, on peut trouver une costilla à niveau cervical. Là, vous comprenez que si ça comprime un plexus nerveux, a priori, là, c'est chirurgical. A ver, entenderéis que, claro, se está comprimiendo el tenso cervical, a veces quirúrgicamente hay que quitarlo. Donc, on les voit latéralement. Pardon? No, le mal de comando. No, la costilla cervical. Si está comprimiendo el tenso brachial, o cervical, perdón, a veces hay que cortarlo. Si es un perro negativo. Donc, là vous voyez qu'il y a les écarts entre les côtes qui est relativement rythmique, hein, ça ne peut pas toujours le même écart. Esta separación entre las dos costillas es bastante parecido para todas las costillas. Donc ça va être facile à palper. Es fácil de palparlo. Un petit peu comme de la tôle ongulée. Es más o menos como la tirando la tôle ongulée. Sur les toits, on a les toits qui font ça. Est-ce qu'on voit ça? Voilà. Alors, donc là on les reprend et on voit bien, j'insiste un petit peu sur les angles de côte parce que c'est ça que vous allez trouver sous les côtes. Vamos a ir, va a insister un poquito en los ángulos costales porque es aquí donde vamos a ir a buscar las costillas. Parce que pourquoi insister beaucoup sur les côtes? Pourquoi insister beaucoup sur les costillas? Parce qu'on s'aperçoit que des patients qui sont parfois suivis par des ostéopathes. Porque nos damos cuenta que muchas veces los pacientes que están en un seguimiento. Il leur reste des douleurs qui sont souvent un petit peu latérales au niveau de la scapula, entre la scapula et les vertèbres. Nos damos cuenta de que se suelen quedar muchas veces con dolores a nivel lateral dorsal. Non, à niveau latéral de la scapula. Entre l'épineuse et la scapula. Ah, vale, entre las espinosas y la scapula. Quelqu'un qui vous dit j'ai mal par là. Alguien que nos dice me duele por ahí. Si c'est ponctuel, il y a une bonne probabilité que ça soit une côte. Si es puntual, hay una buena probabilidad de que sea una costilla. Ah, et c'est relativement fréquent. Y es bastante frecuente. Donc, quand vous vous interrogez vos patients. Cuando interrogas al paciente. Ce n'est pas simplement demander est-ce que vous avez une douleur dorsale. Non seulement que preguntez si tenez une douleur dorsale. Mais est-ce que la douleur dorsale elle est au milieu ou elle est un petit peu latéralisée? Et tenemos que preguntar si esta dolor dorsal está en la mitad o está un poquito lateral. Si on prend la première côte, vous voyez qu'elle elle a un angle qui est très très marqué. Si cogemos la primera costilla, tiene un ángulo que está muy marcado. Avec une tête de côte. Un col, tiene una cabeza, un cuello, tubercule, y un tubercule. Tubercule donc de la côte, et un tubercule aussi là où vient s'insérer pour la première côte le scalène antérieur. Tiene un tubercule de la costilla, y tiene un tubercule de la costilla, y el tubercule donde se va a insertar el escalena. Donc, le côte, bon, là on voit une autre côte qui est la troisième côte, qui est une côte relativement moyenne. Esta costilla, que es la tercera, es una costilla de la media, de tamaño medio. Et donc toujours l'angle de queue, j'insiste dessus parce que c'est ça que vous allez retrouver au niveau palpal. Insiste en este ángulo costal porque lo vamos a encontrar a nivel de la palpación. Alors, en termes d'articulation, elle s'articule en avant donc avec le sternum pour les 7 premières côtes. Se articulan con el esternón las primeras 7 costillas. Pour le cartilage, donc costo-sternocostal, 7e, 8 et 8 à 10. Mediante el cartílago esternocostal se articulan las costillas de la 8 a la 10. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'elle s'insère également au niveau postérieur sur 2 vertèbres. Y también es importante saber que a nivel posterior se van a insertar en 2 vertebras. La vertèbre supérieure et la vertèbre inférieure. La vertèbre supérieure y la inférieure. Sauf la première et les deux dernières. Salvo la primera y las dos últimas. Donc, c'est parce qu'elle s'insère sur une côte s'insère sur deux vertèbres qu'elle peut perturber deux vertèbres, comme on l'a vu précédemment. Es por esto que cuando una costilla se articula con dos vértebras, es por eso que si encontramos dos vértebras, pasa una costilla. Donc là, on voit bien encore l'angle de côte. Aquí es el ángulo de la costilla. Et les deux attaches. Il va y avoir une qui est vraiment contre le corps et une qui est en rapport avec la transverse. Y luego dos uniones con la vértebra, uno a nivel del cuerpo y otro a nivel de las transversales. Donc la costo transversale et la costo vertébrale. La costo transversale et la costo vertébrale. Et devant, donc on a vu les bronchocostales. Y luego por delante tenemos los bronchocostales. Donc là, si on regarde les surfaces articulaires, si miramos las superficies articulares, donc les facettes articulaires avec les vertèbres, et las carillas articulares para el cuerpo vertebral, et là, avec les transverses. Y aquí para los transversales. Donc, vous voyez, donc là, la côte sous-jacente, la côte sous-jacente. La costilla de arriba, la costilla de abajo. Donc, entre les deux, il y a le disque. Entre les deux, tenemos el disco. Et vous voyez que la côte, en fait, elle vient s'insérer là. Y veis que la costilla se va insertar en esta zona. Donc, en fait, la côte, elle va également être très fort en contact avec le disque. Y entonces la costilla va estar en contacto muy fuerte con el disco. Bon, on a vu les différents types, donc, comme des articulations, il y a des ligaments. Vous voyez donc les articulations contro-sternales. Au début, les côtes elles sont relativement horizontales, et puis là, dans cette partie chondrale, c'est beaucoup plus vertical. Aquí vemos las superiores que son bastante horizontales y las inferiores son más verticales. Si vous regardez le sternum, vous voyez des logères qui vont dans lesquelles vont se loger donc les extrémités des côtes. Alors, quand la limite entre le manubrium et le corps du sternum, ça va s'appeler l'angle de loup. Es lo que se llama el ángulo de Louis. Alors, c'est pareil en Espagne. Pleno. Oui, c'est pas l'angle de Louis, je crois que c'est. Está pour tout le monde. Ça, on peut. L'angle de Louis, on peut facilement le palper. Et cet angle-là, on peut le palper. Essayez sur vous la différence entre. Donc, je repère au-dessus de la manubrium, je descends. Et je vais sentir une petite alors ou un petit trou ou une petite bosse, ça dépend. Et entonces, en este punto, vamos a sentir un pequeño, un agujerito o un poquito, una de las dos cosas. Donc, l'intérêt, c'est que ça vous permet de vous situer à peu près. L'intérêt de esto es para que os situéis, os ayude a situaros un poquito. Donc, el artículo 0 de la sección 1. Y ahí tenemos el autorizo para las empresas. Les muscles autour de tout ça, les érecteurs spinaux. Ahí tenemos los grupos musculares érecteurs spinales. Là, vous voyez le pectoral. El pectoral. Le grand pectoral. Le grand dorsal. Le grand dorsal. Le serratus antérieur, c'est le grand dentelé. Et le serrato antérieur, qui est le pectoralado mayor. Alors, qui va de l'omoplate aux côtes? Qui va de l'omoplate à las costillas? Qui est assez souvent dysfonctionnel. Donc, on voit les petits muscles de tout à l'heure, les triangulaires du sternum. Aquí tenemos el triangular del sternum. Les intercostaux. Los intercostales. Donc, tous ces petits muscles qui unissent le dos peuvent être perturbés. Estos pequeños músculos pueden perturbar la costilla. Donc, là, si on regarde à nouveau les muscles. Si miramos de nuevo los músculos. Donc, voyez par exemple le rhomboïde. Aquí, por ejemplo, podemos ver el rhomboïde. Qui va de l'épineuse. Que va desde la espinosa. À la scapula. A la escapula. Donc, c'est des muscles qui sont très souvent tendus. Y son músculos que muy frecuentemente suelen estar bajo tensión. Et les gens se mettent souvent dans cette posture-là. Porque la gente normalmente suele poner esta posición. On parlait tout à l'heure du serratus ou du grand dentelé, vous voyez mieux là, en vert. Podemos ver aquí también el serrato y el grand dentelé. Là, on est au niveau de la scapula, donc en dessous, on a le muscle sous-scapulaire. Aquí estamos en la escápula, entonces por debajo tenemos. Et puis, si on parle de l'humérus, on va avoir le grand pectoral qui passe en pont jusqu'au sternum. Et en dessous, le petit pectoral qui vient de là, d'une petite apophyse onychoracoïde et qui va sur les côtes qui se dirigent comme ça. Va desde una pequeña apófisis de la coracoides hasta el esternón. Y se dirige en bas, en avant, en dedans. Y se dirige hacia abajo y para adentro. Donc il présente un intérêt pour les femmes. Esto presenta un interés para las mujeres. Parce que quand il est contracté, ça fait tomber la poitrine. Porque cuando se contractura hace que se caiga el pecho. Cuando se contractura, pasa al revés. Donc, vous voyez que le manubrium de face, aquí veis el manubrio de cara, le sternocleidomastoïdien qui va s'insérer sur la partie haute du manubrium, le grand pectoral, et le droit de l'abdomen sur la partie antérieure. Et le recto de l'abdomen sur la partie antérieure. Sur la partie postérieure, le diaphragme. Et la partie postérieure, le diaphragme. Au niveau de l'axillide, au niveau du corps, le transverse du thorax. À niveau de. Le diaphragme, au niveau de l'axillide. Au niveau du corps, le transverse du thorax. À niveau du corps, le transverse du thorax. Et en arrière du manubrium, le sternothyroïdien et le sternocleidomastoïdien. Et detrás del manubrium, el sternothyroïdien et le sternocleidomastoïdien. Ok. Donc, ça vous donne une vue rapide du côté anatomique postal, quelque chose d'important à l'évaluer. Esto nos da una visión rápida del aspecto anatómico. Ahora lo que importa es lo que tenemos que palpar. Donc, maintenant, comment on va mettre ça en évidence? Esto lo vamos a poner en evidencia. Pourquoi j'allais voir les côtes? ¿Por qué vamos a ir a buscar las costillas? là parce que j'ai trouvé une dysfonction au niveau thoracique. Porque encontramos una disfunción a nivel torácico. Et sur deux vertèbres adjacentes. Y lo vamos a encontrar sobre dos vértebras que están juntas. Donc on est d'accord que là on est dans le cadre du patient qui est localisé. Estamos de acuerdo que estamos ante pacientes localizados. Donc, on a vu le test aspiratoire. Hemos visto el test respiratorio. Qui est très très performant pour tester l'écartement entre deux côtes. Que es muy bueno para testar la separación de las costillas. Donc là, par exemple, vous demandez à la personne de ventiler. Aquí, por ejemplo, le podemos pedir al paciente que ventile. Et vous voyez s'il y a un écartement. Y vemos si se separa o no se separa. Donc on va reprendre ça parce que c'est facile, mais il va falloir le reprendre plusieurs fois pour le mettre bien dans la main. Esto lo vamos a retomar porque es fácil, pero hay que hacerlo bien en la mano. Donc on va, il y a le côté costal antérieur, costal latéral. Tenemos la de costal anterior, costal lateral. Et costal postérieur. Y costal posterior. Et puis on peut tester aussi le côté sternocostal. Y también podemos testar el esternón costal. Entre la côte et le sternón. Entre la costilla y el esternón. Et puis on peut regarder également le côté vertébro costal. Y también podemos ver el vertébro costal. Ok. Bon. On va refaire ATP donc sur ce côté ventilatoire et costal. Donc vous allez partir de la posturodynamique. Si posturodynamique, le patient est localisé, vous allez faire un posturodynamique analytique, notamment au niveau thoracique, pour voir est-ce que par hasard il y a deux zones dysfonctionnelles adjacentes. Vais a hacer una práctica, vais a empezar a hacer un posturodynamico y si el paciente es localizado, vais a hacer un posturodynamico analítico. Si se da el caso de que hay dos vértebras disfuncionales, vais a buscar la postura. Même si vous ne trouvez pas de disfonction ou tout est dysfonctionnel, vous poursuivez l'examen clinique en faisant les tests inspiratoires, sternum, haute. Et aunque tengáis un paciente que no se ha localizado, podéis hacer esta práctica y vais a hacer test respiratorio con disfunciones esternocostal. Côte, côte. Costilla, costilla. Antérieur. Antérieur. Postérieur. Postérieur. Vertébro-costal. Vertébro-costal. Et latéral. Et latéral. Ok. Avant, vous faites un petit TP palpatoire. Pero antes vais a hacer un pequeño test palpatorio. Pour essayer d'arriver à discriminer les côtes les unes des autres. Para llegar a discriminar las costillas una respecto a otra. Un des buts étant aussi d'éduquer votre côté palpatoire. Esto tiene un objetivo de educar vuestra mano palpatoria. On a vu ce matin, je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire une démonstration. Vous vous mettez à deux et vous faites ce petit TP au niveau 1, posturodynamique, 2, les différentes attaches des côtes, côte antérieure, côte latérale, côte postérieure, le lien avec le sternum, le lien avec les vertèbres. Entonces, vais a hacer la práctica, no creo que hace falta hacerlo aquí porque lo hemos hecho por la mañana, haréis el posturodinámico y luego haréis la relación costilla entre costilla, costilla esternón, costilla manubrio, costilla vértebra, y después. Donc, pour les podos, c'est des régions que vous n'avez pas l'habitude d'investiguer, donc il est important de mettre les mains dessus pour devenir de plus en plus performant. Allez, à vous de jouer.